forêt, en pleine balade. Juliette soudain s'effraie, son cœur bat la chamade. Un énorme reptile, à la voix toute menue. Il n'a pas l'air hostile, la voix l'a détendue. L'épaisse créature est pleine de malice. Avec elle, elle s'amuse, c'est un vrai délice. Soudain la pluie s'abat, ils ne peuvent pas rester là. Courir vite au château, jouer ça c'est rigolo. Un dragon à la voix toute aiguë, ça a quelque chose d'ambigu. D'un abord effrayant, au physique imposant, ça le rend ridicule, cette voix minuscule. Terrifier les parents de la demoiselle, déloge en hurlant la bête qu'il croit cruelle. De peur qu'elle ne rôtisse, carbonise, engloutisse leur jeune progéniture, cette vile créature. Pas moyen de cacher l'énorme animal, ni de le déguiser, ça n'est pas normal. Au château des bergers, ce type de saurien, c'est source de danger, sa papa le sait bien. Un dragon biscornu et griffu, ça provoque des malentendus. Un abord effrayant, au physique imposant, ça n'est pas très facile de rendre papa docile. Un jour par accident, un incendie se déclare, suite au geste imprudent de Juliette dans le noir. Le dragon, ignorant la rancune, fonce sans peur aucune. Sauver fillette et château, il est adopté illico.